Bonjour à tous et à toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu vous entrez dans Plus Fort J'Entends Rien, le mag d'actu tout terrain, en direct le mercredi à midi, en rediff à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui, eh bien, au programme de cette émission, on va parler de précarité, d'organisation collective et puis d'attaque permanente contre les systèmes d'allocation divers et variés en présence du CTPEP et de deux de leurs représentantes. Bonjour à vous. Bonjour. Vraiment plus près du micro, je te jure. Bonjour. Et voilà. Bien le bonjour, on est avec Maë et Adrien. On va se retrouver donc pour une émission spéciale autour de ce thème qu'on va décliner sous pas mal d'angles. Et on va commencer un petit peu comme à l'habitude avec le petit coup de cœur de la semaine. Et c'est une petite sortie du mois d'avril que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui. Un projet venu de France qui s'intitule World Wild Web. Wild comme sauvage, petit jeu de mots. L'album s'appelle Transmutation et est sorti chez le micro-label Enter Planet Dust. Il s'agit d'un projet que l'on pourrait affubler de qualificatifs de rock du monde contemporain, assez dansant, qui revisite un petit peu le son de Manchester des années 80. Les aficionados et aficionadas ont compris qu'on parle d'un post-punk bien groove, en français, en anglais, très éclectique. J'ai trouvé le disque très agréable à écouter. Je vous ai proposé tout de suite un extrait francophone, il s'intitule La Nuit. Dio 8, 9, 5. bienvenue sur Radio Dio et rebonjour à vous deux. Rebonjour. Bonjour. Alors vous êtes ici pour, entre guillemets, en tout bien tout honneur, représenter le CTPEP, Comité des Travailleurs Privés d'Emploi et Précaires. Et comme il est d'usage dans la plupart des conversations et des moments un peu de radio, on pourrait commencer par une présentation de ce fameux comité peut-être. Alors bonjour à tous et à toutes. Le comité des travailleurs et travailleuses précaires et privés d'emploi de Saint-Étienne est donc un comité à l'intérieur de l'union locale de la CGT qui a pour but d'organiser la lutte contre la précarité, contre les lois, les réformes. Qui a pour but d'organiser un truc comme ça quoi. Avec un peu l'interrogation derrière de en fait comment on s'organise quand on est dans des situations précaires, parce que il y a plein de types de contrats précaires, il y a à la fois en intérim, les contrats jeunes, être au chômage, être au RSA aussi tout ce qu'on va appeler CDI de chantier ou CDI d'intérim. Et du coup aussi le but de ces comités, c'est réussir de s'organiser quand on n'a pas le même lieu de travail, quand on n'a pas les mêmes disponibilités, quand on n'a pas le même temps, et quand on a besoin aussi de se faire parfois une place dans les milieux syndicaux. Parce que il y a pu avoir pendant très longtemps, grâce au travail du coup des comités précaires notamment. Mais pendant longtemps, il y avait vraiment une fracture un peu entre les personnes qui travaillaient et les personnes qui étaient privées d'emploi. Et on va un peu développer là-dessus, parce que je trouve que c'est justement tout l'intérêt un petit peu de ces collectifs et cellules syndicales. Avant, je me demandais si vous aviez une idée, ou même un peu imprécise, d'un héritage. Est-ce que c'est une création, ce comité? Est-ce qu'il a déjà existé? Est-ce qu'il s'est un peu cassé la gueule? Est-ce qu'il a un peu, comme beaucoup de mouvements précaires, cette habitude de fonctionner par pointillés avec des personnes qui sont là, qui, des fois, sont plus précaires, ou alors s'investissent et sont jeunes et puis trouvent un peu d'autres chemins, enfin bref, comment est-ce qu'il a pu évoluer localement, si vous en avez eu trace et écho? Dans l'histoire des syndicats et de la CGT, la question de la précarité a toujours été présente, avec dans les années 1880 la création des bourses du travail, qui était là pour filer du boulot, mais qui a aussi amené la création des mutuelles de solidarité entre ouvriers, qui permettait de dépanner en cas d'arrêt de boulot les précaires. Les précaires qui sont pas les mêmes que maintenant, hein. À l'époque, c'est journalier, tâcheron. Donc c'était une précarité différente. Et après ça, il y a eu la mise en place généralisée du salariat et ce qui allait avec. Après, il y a eu un gros mouvement à la CGT des chômeurs dans les années 50, je crois. Et après, c'est avec la fermeture des usines, avec le début de la fin de l'industrialisation dans les années 70-18, avec un premier proprement dit comité de chômeurs, de défense des chômeurs à l'intérieur de la CGT. Et ensuite, il y a eu un gros mouvement dans les années 98-99 et la création donc là de ce comité des travailleurs précaires et privés d'emploi à l'intérieur de la CGT. Donc de différentes manières, mais dans toute l'histoire de la CGT et des syndicats, il y a eu cette question-là des précaires et de ce rapport entre capital et la masse salariale, peu. Mais là, tu présentes ça un petit peu comme quelque chose de continu, un peu au niveau historique, alors que dans le détail, j'ai l'impression qu'on entend principalement parler de ces types d'organisations quand il y a des attaques sur notamment les systèmes de répartition dont peuvent bénéficier les personnes précaires. Donc ça va être une réforme un petit peu du système d'allocation ou du système d'accompagnement ou des choses comme ça. Et qu'il y a rarement dans les syndicats une continuité, parce que les syndicats ont quand même un peu pour vocation historique à encadrer le travail salarié. C'est beaucoup comme ça qu'ils sont construits ces dernières décennies. Et qu'effectivement, il y a eu une mutation du travail qui n'est pas forcément facile à adapter, à mettre à jour aussi. Est-ce que par exemple, là, ce que je me demande en termes de continuité, dans les personnes qui brassent en ce moment au CTTPEP, il y a des personnes qui sont déjà là depuis pas mal de temps, ou est-ce que c'est de nouvelles arrivées qui sont rentrées et par la stimulation un petit peu politique, militante du dernier mouvement social, et par la modification là, et la création de France Travail dont on va parler un peu après? C'est que des précaires nouveaux et nouvelles, ou il y a des gens qui étaient déjà investis par exemple? On a un peu les deux cas de profil. Ouais. Par exemple, moi je suis arrivée en janvier à la suite d'une expérience dans une mission d'intérim qui s'était très mal passée. On avait des heures qui n'étaient pas comptées, une pointeuse qui donnait des fausses heures de travail. J'ai commencé à m'intéresser, à me syndiquer suite à ça, parce que du coup je ne savais pas comment réagir pour défendre mes droits dans ce cadre-là. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient là depuis un peu plus longtemps. Et surtout, il y a eu les dernières personnes qui ont été très actives sur Saint-Étienne, qui avaient laissé un peu tout un héritage, et qui ont tout plein d'archives qu'on est encore en train de remettre en ordre, de reconsulter. Mais on peut citer par exemple la thèse de Lucas, qui a fait un gros travail sur le comité précaire. Et que du coup, en effet, il y a des temps forts. Du coup, actuellement, avec la réforme des retraites, la réforme chômage et France Travail, c'est plutôt un temps fort qui a permis quand même de ramener tout plein de nouvelles personnes à militer avec nous. Et surtout aussi, c'est que du coup, dans la durée, on est un petit noyau, je dirais, d'une 8 personnes. Et qu'après, en plus, autour de ça, il y a tout un comité qui s'appelle Précaires en lutte, qui va toucher plein d'autres personnes qui ne sont pas forcément syndiquées, qui ne font pas forcément que partie de la CGT, qui font à la fois partie de d'autres parties, d'autres orgas, mais aussi parfois des personnes qui ne sont pas du tout dans des orgas. Et du coup... Comme une espèce d'intersyndicale non syndicale. Ouais, on pourrait dire ça. Exactement. Okay. Pardon, je t'ai coupé, ouais. Et que du coup, ces comités un peu de précaires en lutte, on va dire que j'ai l'impression qu'ils sont un peu tout le temps présents dans le quotidien, que ce soit à travers des actions de cantine solidaire, d'ouverture de squat, par exemple aussi on a pu voir les crêpes en colère sur Saint-Étienne qui reversent en fait leurs biens soit à des caisses de solidarité, soit à des personnes qui sont dans des grandes précarités. Du coup, j'ai un peu l'impression que la lutte contre la précarité, elle est un peu au quotidien. Mais qu'elle se constitue en comité précaire quand il y a des moments de lutte importants. Et du coup, le CTPEP, il a un peu pour but en fait, de maintenir un noyau solide et des moyens matériels et des contacts du coup, sur un plus long terme. Et du coup, travailler sur à la fois un travail de syndicat de lutte, mais aussi un syndicat de service qui va être là, par exemple, s'il y a une personne qui a des problèmes avec Pôle emploi, qu'on puisse venir l'assister pour lui permettre de défendre ses droits. Je prends le cas de Pôle emploi, mais ça peut être dans d'autres structures avec les agences intérim, tout ça. Je me demandais justement après, dans le concret de ce que vous brassez au quotidien dans ce comité, comment s'organise la relation interne à l'intérieur de la CGT avec des personnes qui travaillent sur d'autres types d'axes syndicales, par exemple? Est-ce que c'est un peu morcelé? Est-ce qu'il y a des vraies réunions où tous les axes un petit peu qu'il peut y avoir au niveau local se retrouvent? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, il y a 4-5 ans, il y avait une grosse dynamique à l'intérieur le comité précaire avait une grosse dynamique. Les personnes qui étaient animatrices de cette dynamique sont parties parce que ils se considéraient plus comme précaires dans leur boulot et tout, donc ils sont partis. Qui avait un gros lien à l'intérieur de la CGT. Et c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, c'était quand même en... Voilà, petit stand-by, vous voyez mes gestes. Tout le monde les voit. Tout le monde les voit. Et en petit stand-by. Et c'est vrai qu'on était 2-3 à se croiser, mais sans aucune dynamique. Et c'est vrai que c'est le mouvement social qui nous a permis les nouveaux adhérents, comme ceux un peu plus... qui avaient plus de bouteilles mais sans expérience, plus d'ancienneté, de rencontrer la CGT dans son ensemble, sa diversité et ses problématiques, ses conflits et toutes ces questions en interne. Et pendant le mouvement, oui, il y avait beaucoup d'informels sur les piquets de grève, les manifestations et autres moments informels d'actions diverses et variées. Et après, il y a plein de réunions de mobilisation, de réunions d'organisation générale où les différents syndicats qui forment la CGT y amenaient leurs points ou leurs problématiques à discuter ou à régler, quoi. Avant de rentrer vraiment sur le côté justement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce mouvement social, je me demandais aussi, puisque, et notamment c'était il y a 4 ans effectivement que la CGT précaire, je me souviens, on le voyait un petit peu à côté du CIP, collectif des intermittents et précaires, et avec justement cette difficulté parfois à fonctionner sur des thématiques un peu plus précises, puisque l'intermittence, est-ce que c'est une précarité? Elle n'est pas forcément justement comme les autres, même si on parle de plein de précarités différentes, mais aussi les CIP qui sont en général beaucoup plus des mouvements d'artistes et techniciens, techniciennes. Comment est-ce que se joue justement aussi la coexistence un petit peu d'une proximité, d'une petite distance en même temps? Bah là, actuellement, au CDPP, il y a des personnes qui sont dans ce cas de figure de l'intermittence et qui ont fait plus le choix de venir se syndiquer et militer auprès du CDPEP parce qu'elles se sentaient plus concernées ou plus intéressées par la forme des comités, parce que du coup, c'est comme c'est un comité et non pas un syndicat, c'est un peu plus libre. Pour moi, du moins, c'est ce qui m'a un peu plus plu. Et du coup, là, sur Saint-Étienne, grâce au mouvement social, on a pu retravailler un peu avec les intermittents du spectacle. Mais hélas, on n'a pas encore pu approfondir plus de travaux que ça. On étudie ensemble France Travail à travers des actions d'arpentage ou des rassemblements. Mais on manque, je trouve, encore de travail en commun sur... Oui, vas-y. Ouais, en tout cas, la question de la précarité qu'on essaie de travailler au comité des travailleurs précaires de la CGT, c'est la précarité dans le travail. Et donc, elle est en négatif d'une stabilité par le travail. Et qu'on soit intermittent, saisonnier, intérimaire, service civique, en forme apprenti ou quoi, stagiaire, on peut pas se construire dans le long terme avec ce rapport-là dit classique du travail qu'a fait les grandes heures du syndicat et des ouvriers et ouvrières de France. Mais ouais. Qu'en tout cas, ça... Ouais, voilà. Ouais, mais il y a effectivement cet enjeu, et moi j'ai l'impression que c'est ce qui s'est joué aussi dans le mouvement contre la réforme des retraites, puisque j'avais interviewé un représentant du CIP et qui me disait un petit peu la même chose. Mine de rien, même si je pense que les intermittents sont un peu moins isolés parce qu'ils se croisent quand même, ils ont des lieux où ils se croisent, c'est quand même pendant les manifs, ce qui m'a été dit, les moments où ils se croisent vraiment ensemble, ce qui est assez rare aussi pour eux. Et du coup, comme vous l'avez un petit peu amorcé, je me disais que c'était j'avais l'impression aussi d'un élan justement sur ces thématiques de la précarité qui était aussi favorisé par le fait que la manifestation, les actions sont des lieux sociaux où vous avez pu aussi vous rencontrer, échanger, et qui est presque une chance, entre guillemets, pour un mouvement précaire d'avoir un point de rendez-vous, alors que d'habitude, ils existent très peu. Oui, en effet, moi j'ai commencé à entendre, à m'intéresser au CTPEP à la fois, puisque du coup j'avais des connaissances qui en avaient fait partie et qui m'avaient recommandé, mais aussi parce que du coup en manif j'ai pu voir notamment Adri qui fait partie un peu des plus anciens et anciennes du CTPEP de Saint-Étienne avec Laure Dessart, puis à avoir et à proposer des actions ou un style d'organisation qui me correspondait bien. Et mais du coup oui, en effet, il y a eu un peu une sorte d'effervescence contrainte par le mouvement social, on va dire, mais qui a permis en fait de se redonner un peu une dynamique et un espoir, de se dire en fait non, on n'est pas isolé, c'est pas parce que j'ai pas une usine à bloquer que je peux pas me mobiliser ou que je ne peux pas défendre mes droits. Et en fait, après, du coup, à la manifestation, bon, lors des manifestations, ça permet aussi de croiser d'autres connaissances, d'autres amis qui sont aussi dans des situations de précarité, et leur dire, ben, tiens, si tu veux, si ça t'intéresse, il y a des permanences tous les jeudis où on se retrouve et on essaye de voir, nous, comment, en tant que précaire, on peut s'organiser dans cette lutte, comment la réforme des retraites va nous toucher, quelle autre réforme on a un peu passé sous le tapis mais qui, comme la réforme chômage qui est passée en février, qui a été un peu mise de côté par rapport à la réforme des retraites qui était en train d'être mise en place. Et du coup, ça permet en fait de à la fois participer au mouvement social, mais non plus de pas s'oublier. Parce que parfois, les précaires sont à la fois un peu mis de côté. Faire oublier, tu veux dire? Sans vraiment se faire oublier, dans le sens, comme la réforme des retraites avait pris toute la place au niveau médiatique, on a pu très peu parler de la réforme chômage, alors que c'est un grand bouleversement aussi, où on perd 25% de notre temps d'allocation. Et alors même que ça avait commencé le processus avant la loi de réforme des retraites. Parce que moi, j'avais fait une interview d'un collectif lyonnais, il y a quand même, je crois que c'était, je dis pas de bêtises, mais il y a pas loin de 6 mois, peut-être en décembre dernier, et qu'il y avait déjà France Travail en ligne de mire, le travail à l'Assemblée, les expérimentations tests, etc. etc. Puis ça, souvent en fait, les précaires sont mis de côté. Ce que je veux dire pour situation précaire, c'est quand on ne sait pas forcément comment on va subvenir à ses besoins dans l'avenir. Du coup, il peut y avoir des travailleurs et travailleuses pauvres, dans le sens qui vont avoir qui vont être au SMIC ou qui vont avoir peu d'augmentation de travail, de salaire, qui vont devoir cumuler plusieurs emplois. Mais dans un CDI, il y a une sorte de situation plus pérenne, parce qu'on sait qu'on a toujours un emploi et on sait les mois prochains, comment on va subvenir à nos besoins. Ouais, bah oui. Et que du coup, les personnes en situation précaire, on ne sait pas forcément de quoi sera fait demain, et qu'on a tendance à être un peu mis de côté, alors que les statuts de précaires deviennent de plus en plus répandus, en fait, notamment parmi les jeunes, mais aussi, du coup, là, pour faire écho à l'actualité, il y aura plus en plus de seniors en pré-retraite qui vont être aussi concernés, et que c'est vraiment un statut social qui se répand, qui est à la fois parfois un choix. Il y a des personnes qui choisissent d'être plutôt en intérim ou d'avoir moins de revenus pour avoir plus de temps dans leur vie pour se consacrer à des passions, au militantisme. Mais pour d'autres personnes, c'est parfois un non-choix. Mais c'est quelque chose qui commence à se répandre de plus en plus et qui vient, pour moi, vraiment transformer ce qu'on appelle l'emploi en France ou dans le monde. Et que du coup, je trouve qu'il y a très peu de réflexion au sein des mouvements syndicaux sur ça. Et qu'on reste dans une vision du travail qui est très... très ligne droite. Ouais. Mais je voulais rebondir là-dessus, effectivement, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, et c'est un des cœurs du problème à mes yeux. C'est effectivement précaire, c'est pas comme président de la République, c'est pas un statut à vie, mais en même temps c'est quelque chose qui dans ton présent prend quand même beaucoup de place, et qu'effectivement il y a une tendance à presque opposer précaire et salarié, alors que on vit dans un monde où maintenant c'est une joyeuse alternance ou une moins joyeuse alternance en fonction des moments, et que le chômage fait partie maintenant d'un parcours professionnel. Je pense que c'est assez évident pour les générations les plus jeunes aussi, et que c'est vrai que le focus qu'il y a eu sur la manière de séparer en termes d'allocation et de répartition l'assurance chômage ou la cotisation retraite, moi ça m'a fait un peu étrange, parce que je trouve qu'on passe à côté un petit peu de la vision contemporaine du travail. Vous, qu'est-ce que ça vous faisait quand déjà on a du mal à bouffer et qu'on trouve pas spécialement de taf, ou que on est dans une situation, même si on est dans une situation sociale qu'on a un peu plus choisie, comme tu parles d'une précarité un peu plus, un mode de vie comme ça, c'est vrai que parler de retraite, moi je trouve que c'est toujours un peu décalé, c'est pas la préoccupation du moment, et ça semble assez loin de se dire qu'on va avoir la retraite même à 64 ans. Moi, je pense que je l'aurai plus tard que ça encore, si je compte bien mes annuités, mais j'essaye de pas les compter. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous, justement, d'avoir ces discussions, j'imagine, sur les piquets de grève, dans les manifs, autour du travail, avec des personnes salariées, sur cette thématique des retraites ? Ben, je crois qu'en tout cas, sur les piquets de grève ou quoi, il y a eu effectivement les 2 ans de plus pour les personnes en CDI ou qui sont dans un parcours professionnel plus classique, plus sur une ligne droite. C'est 2 ans de plus à travailler, il se rend pas compte de c'est quoi notre boulot, il se rend pas compte de tout un tas de choses. Mais au final, on a quand même assez peu parlé des retraites en tant que telles, et il y avait et d'autant plus après le 49-3 où il y avait juste un rejet permanent, total, de juste Macron et leur délire toujours plus néolibéral, toujours plus tapé sur les travailleurs quand les dividendes des actionnaires augmentent et ainsi de suite, quoi. Mmh. Moi, j'ai pas eu la sensation d'avoir un mouvement social où il n'y avait pas à comprendre ce que c'était. Leur réforme, c'était là, c'était 2 ans de plus, ils font chier, ils nous enlèvent 2 ans de plus et ils se rendent pas compte, quoi. Effectivement, pour nous précaires, ou en tout cas pour moi, j'ose même pas aller voir sur le site de la CARSAT, je crois, mon nombre de trimestres, vu que je saisonnier par choix, mais aussi parce que c'est là-dedans que je suis et c'est comme ça que mes boulots, c'est leur économie. Peut-être à 77 ans j'aurai la retraite à taux plein. Mais effectivement je pense que j'aurai pas de retraite, donc la réforme des retraites, qu'elle soit à 62 ou 64 ans, j'ai pas regardé, mais je pense qu'elle va pas bouleverser mon futur après 60 ans. Et par contre, c'était une solidarité avec les camarades qui allaient être impactés par cette réforme. C'était aussi une lutte contre leurs intentions néfastes pour les gens qui bossent, quoi. Et c'était pour nous de lutter, c'était aussi lutter contre ce gouvernement qui, on sait, va enchaîner la réforme des retraites, la fin de la sécu gratuite pour tout le monde, les lycées, toujours plus de néolibéralistes, toujours plus de thunes pour ceux qui ont de la thune et moins de thunes pour ceux qui n'ont pas de thunes, quoi. On va continuer à... Vas-y, pardon. Et je voulais dire que cette solidarité qu'on a fait preuve envers les camarades qui luttaient pour leur retraite, qui est pour nous un peu... moins directe, elle nous a été bien rendue, dans le sens il y a vraiment eu cette convergence des luttes qui s'est fait, alors peut-être pas dès le 19 janvier, mais qui s'est fait au fur et à mesure et qui a été notamment bien, comme disait Adrien, bien actée après le 49-3. C'est que, en fait, là, face au gouvernement de Macron, face au capitalisme et au libéralisme, on est tous et toutes dans le même bateau, et du coup on est solidaires les uns avec les unes et les unes avec les uns. Si je peux me permettre de revenir sur la discussion là, sur la précarité, je crois qu'aussi le permettre là, de ce mouvement social, de rencontrer beaucoup de gens syndiqués, donc les droits au travail, les obligations patronales, les responsabilités du taf, les conditions de travail et tout. Ces piquets de grève, tous ces moments ont permis de beaucoup en tchatcher, et la précarité, je crois aussi, elle a une qualité que n'a pas des tafs stables, c'est la sécurité, la connaissance du droit du travail, la permanence. Que les précaires ne... comme ils sont souvent seuls dans leur boulot, mais le... Ah oui, on a rencontré... connaissent mieux l'institution dans laquelle ils baignent parce qu'ils sont obligés de le gérer eux-mêmes, tu veux dire ? Non. Ils connaissent mieux le rôle. Ah. Non, c'est... On a, en faisant des tractages ou des dons à la poste, par exemple, avec au centre de la poste de tri vers Montréno, on s'est rendu compte que beaucoup de postiers ne savaient pas qu'ils avaient le droit de grève, quoi, par exemple. Qu'ils avaient le droit de se syndiquer. Est-ce que c'est des postiers intérimaires et qui tournent tous les mois, contrat de 3 mois, contrat d'1 mois, contrat de 2 semaines. À la première bourde qu'ils font, ils sont pas repris. Ils ont aucune indépendance vis-à-vis de leur employeur. Ils sont complètement sous leur... ils n'ont pas de contre-pouvoir. Au taf, ils n'ont pas de contre-pouvoir. C'est les dires de leur employeur, les pressions de leur employeur ou du client de leur employeur, vu qu'ils sont intérimaires. Et il n'y a pas cette... Ouais, il n'y a pas cette culture droit du travail. Ouais, ouais. Un isolement dans le monde professionnel, ouais, du coup. Ouais, ouais, ok. Très bien. Je vous propose de respirer un petit peu en musique. On va se retrouver après, puisqu'il y a encore pas mal de choses à dire, et notamment des réformes en cours. Je vous propose un des coups de cœur de la Ferrarock cette semaine. Il s'agit du groupe belge qui s'appelle Echt, E-C-H-T. Point d'exclamation. Ils sortent un album qui s'intitule Think Along. C'est sorti en début mai sur le label SDBAN Ultra. C'est un quatuor. J'ai l'impression que c'est des jazzeux vu comme ça joue. Mais par contre, eh ben, ils font une musique beaucoup plus empreinte de basse musique, de trap, de hip-hop, largement instrumentale. Je vous propose tout de suite un extrait de cet album. Il est à gagner sur l'antenne de Radio Dio si vous nous téléphonez au 04 77 438-895 ou par mail contact@radiodio.org. Radio Dio. C'était donc le groupe Echt, un des coups de cœur de la Ferrarock, notre fédé des radios associatives pas pareil. Cette semaine, vous retrouverez ce groupe en interview aux côtés du projet Fears, un projet venu de Saint-Nazaire, Nantes, un solo de pop assez joli, c'est rare que je dise de pop assez joli, qui a retenu largement l'attention de nouveaux collègues du trio, Monsieur Samuel. L'album s'intitule Big Dream et est sorti chez les disques en chantier. Vous retrouverez donc Dig Dig Diggers ce vendredi à midi, rediff à 19h et lundi à 8h du matin pour des interviews et une interview libre concoctée par les radios de notre réseau national. On continue et on enchaîne à présent avec toujours ce thème un peu central, des précarités, parlons de manière contemporaine puisqu'il n'y en a plus qu'une, et de ce qui occupe un petit peu l'actualité, votre actualité, puisque vous avez organisé plusieurs événements un petit peu autour de ce nom que vous allez entendre à l'avenir à partir de 2023 et surtout 2024 et encore plus 2027, France Travail, un nom qui fait frémir hein, bien sûr, l'appellation, on va en parler. C'est vrai que les mots sont importants et là ça a l'air lourd de sens dans ce qui se profile. Vous avez organisé une conférence, vous avez parlé tout à l'heure de Lucas par rapport à ces thématiques. Un rassemblement aussi le 10 mai et un travail collectif autour du texte qui était présenté pour le moment. France Travail donc, en gros c'est remplacé Pôle Emploi, donc on se souvient peut-être pour les gens de mon âge en tout cas, qu'en 2008 déjà Pôle Emploi avait été créé et avait été issu de la fusion de la CEDIC et de la NPE. Et là, je me demandais déjà un petit peu sur une vision d'ensemble, ce que vous lisiez en tant que précaire, assigné précaire, comme objectif de ce France Travail. Qu'est-ce que c'est un petit peu ? C'est pas facile de commencer par une vision d'ensemble du texte, c'est peut-être une question qu'il faudrait prendre dans l'autre sens, mais en tout cas, pourquoi ? Déjà, en fait, il faut savoir que France Travail, ça veut en gros globaliser et centraliser un peu tous les acteurs et les actrices de l'emploi et du travail en France. Donc, il va y avoir une sorte de fusion entre Pôle Emploi, Cap Emploi et les missions locales qui vont être qui vont garder chacune leur public visé, mais qui vont avoir une seule plateforme commune où on n'aura plus qu'à remplir un seul et même CV pour pouvoir postuler à toutes les offres d'emploi, même chez des opérateurs privés comme Indeed ou Manpower. Donc des déclinaisons effectivement France Travail Jeune, France Travail Handicap, etc. C'est ça, et qu'il va y avoir en fait aussi une recentralisation de tout ce qui va être les politiques et les financements, où ça va être plus que le gouvernement ou les collectivités qui vont dire en quelque sorte leur direction politique, et France Travail qui sera Pôle Emploi, France Jeune qui sera les missions locales et France Handicap qui sera Cap Emploi, qui vont en fait devenir que des sortes d'opérateurs, de bras d'exécution de ces politiques, et qui serviront aussi de contrôle parce qu'ils vont aussi mettre en place ce qu'ils appellent un contrat d'engagement il est un peu flou encore ce contrat d'engagement, même quand on lit les retours et les enquêtes du gouvernement, mais qui va du coup entraîner des nouvelles obligations pour tous les usagers et usagères de France Travail, et qui va aussi entraîner du coup de nouvelles sanctions, dont notamment la suspension des allocations. Et du coup, en fait, ce contrat d'engagement, il vise à ce que toute personne qui serait en situation d'éloignement de l'emploi soit vraiment dans une recherche active d'un nouveau travail. Active, même activée de l'extérieur, j'imagine que c'est un petit peu ça l'esprit qu'il y a derrière. Peut-être aussi, parce que c'est vrai que, en fait, ce qui est étrange, et je m'en suis rendu compte en préparant cette émission, il n'y a quasiment rien sur internet sur ce passage à France Travail. Il y a très très peu d'infos sur les sites d'information, je veux dire, ça a été très très peu traité, très peu bossé encore. J'ai trouvé assez peu de sources qui pouvaient illustrer un petit peu finalement ce que vous avez pu publier sur Numéro Zéro. C'était un peu le travail le plus précis qu'il y avait un petit peu dans le détail du texte. Et on a beaucoup plus parlé par contre, il n'y a pas très très longtemps, des nouveaux chiffres du chômage, comme tous les trimestres ils sont aimés à être médiatisés, avec ce côté qui est le plus médiatisé ces temps-ci. Là, on parle d'un recul d'1% sur un trimestre, de 5% sur l'année. On parle de 3 millions de chômeurs en catégorie A, avec toute une catégorie de personnes inscrites à Pôle emploi ou non inscrites ou inscrites ailleurs qui ne sont pas comptabilisées. J'ai vu que vous, sur internet, vous parliez de 6 millions de personnes sans emploi. Qu'est-ce que pour vous, cette manière d'utiliser les chiffres et de se battre déjà, qu'est-ce que ça suggère effectivement en termes de nombre de personnes précaires invisibilisées? En tout cas, c'est clair qu'il y a un conflit qui va être une lutte à mener qui est très complexe, c'est sur les chiffres du chômage et les chiffres de l'emploi en France. D'autant plus qu'il commence à avoir une répercussion sur les droits au chômage, avec le dernier décret ou réforme d'Elisabeth Borne qui enlève 25% d'indemnisation à la durée du chômage en fonction du niveau de chômage. Et ces questions de... Là, le leitmotiv de Macron, c'est quand même le plein emploi, donc en 2027, avec la loi plein emploi qui devrait être votée en début d'été, là où il y aura la construction de France Travail, là... Et la réforme des lycées professionnels. Qui est une promesse de campagne, hein, c'est pour ça qu'ils ont fait un peu son cheval de bataille. Ouais. Donc ce plein emploi-là, c'est pas le même plein emploi qu'il y a 50 ans, qu'au moment des Trente Glorieuses et le début de la désindustrialisation et le début du chômage de masse de Jospin, pour ceux voilà, qui s'en rappellent ou quoi. C'est pas le même plein emploi, quoi. C'est clair que là, c'est un plein emploi qui sont calculés selon les chiffres du bureau du travail. Si on a travaillé une heure dans les deux semaines précédentes et si... Et si on n'est pas disponible pour chercher du boulot, pour travailler la semaine d'après, on n'est pas considéré comme chômeur. Donc si on fait deux jours de ménage les samedis dans les hôtels en station de ski, on n'est pas considéré comme chômeur. Apprenti, on n'est pas considéré comme chômeur. Service civique, on n'est pas considéré comme chômeur, et ainsi de suite. Tous ces nouveaux... manière de parler de travailleurs et de travailleuses, mais qui ne sont pas des travailleurs et travailleuses, qui sont indemnisés, qui ne sont pas salariés ou quoi, fait donc baisser les taux du chômage, leur permettre de taper d'autant plus sur les chômeurs et les chômeuses et les précaires, et fait, en tapant sur eux, on fait baisser le prix du travail pour tout le monde en général, comme la réforme des retraites fait aussi d'elle-même, casse le marché du travail, brade le marché du travail, donc fait baisser le prix du travail. Bah déjà, le mot plein emploi, enfin moi je suis une bille en économie, mais j'ai cru comprendre que rien qu'avec le chômage structurel, c'était une notion qui était un peu vide de sens, et qu'effectivement avec les nouvelles manières de travailler, entre guillemets, ça ferait presque positif dit comme ça, mais effectivement tous ces boulots où il y a un petit peu de taf par-ci par-là, disséminé sur la journée, disséminé sur la semaine, etc., j'ai l'impression qu'effectivement ils arrivent largement à faire baisser leur chiffre du chômage, on va dire, mais qu'effectivement ça questionne aussi les manières de travailler, ce qui pourrait faire une émission entière. On va peut-être pas s'étendre sur ce sujet là sauf si vous avez peut-être quelque chose à dire par rapport à ça d'ailleurs, ou alors on passe à la suite. Et du coup effectivement réformer Pôle emploi, créer France Travail pour aller vers le plein emploi en réorganisant, coordonnant un petit peu toutes les structures. Soi-disant, il y a beaucoup de trous dans les mailles du filet, qu'il y avait des impensés, des choses comme ça. Concrètement, dans le travail que vous avez fait d'études justement sur les dispositifs, qu'est-ce qui va se jouer dans le quotidien d'une personne? Qu'est-ce qui va se jouer de différent? Je crois que c'est pas clair. Ouais. Le document qu'on a lu en arpentage, qui est le rapport du Haut Commissaire au Travail, qui a été rendu il y a un mois, pour qu'une loi passe, donc avec des textes de loi et des articles de loi qui passent début juillet dans l'été, là, le document qu'on a lu est une novlangue positive où ça se répète beaucoup. Et il parlait des 15-20 heures obligatoires pour le RSA, mais ce qui ne change pas déjà de ce qui existe maintenant où on signe un contrat et qu'on peut se retrouver individuellement dans cette posture-là. Donc je... Ce qui va peut-être... du coup, comme disait Adrien, en effet, il y a eu une love log très importante dans le sens où il y avait vraiment une critique du fonctionnement de Pôle emploi actuellement vers un langage très, on va dire, qui valorise du coup ce nouveau réseau France Travail. Et en fait, ce que France Travail veut mettre, c'est que pour eux, ils veulent essayer de chercher le plus possible ces personnes qui passeraient entre les mailles du filet, comme tu disais, notamment par du coup ils vont faire plus attention aux sorties des licences ou des masters, à la sortie des lycées pro ou à la sortie de licenciement où il y aura un suivi plus près, ou dans le sens France Travail pourra par exemple, je viens de me faire licencier ou je viens de finir ma mission d'intérim, France Travail va pouvoir m'interroger et me dire, alors vous en êtes où dans votre recherche d'emploi, avant même que ma licence, ben, que mon licenciement soit effectif. Ensuite, ce qui est un peu près sûr qui va changer, c'est que ce contrat d'engagement, qu'on peut retrouver déjà dans les missions locales aujourd'hui, dans ce qu'on appelle la SEJ, qui est en fait un contrat qui dit en échange d'une aide, du coup la SEJ actuellement c'est 500 euros si on n'a pas d'autres aides, et en échange, je dois faire preuve 15 heures à 20 heures par semaine que je recherche bien un emploi ou une formation, que je dois avoir à peu près un rendez-vous par semaine, soit téléphonique, soit en présentiel, avec mon ou ma conseillère. Et que si je ne respecte pas, du coup, ces engagements de contrat, je peux perdre ces 500 euros. Soit on me les annule, soit on me demande de les rembourser, soit si je recommence plus de 3 fois, je sors de cette garantie jeune. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de ce contrat d'engagement, ce qu'on peut observer déjà, et ce que disait aussi déjà un lanceur d'alarme sur le média, c'est que c'est des choses qui ont l'air d'exister un petit peu et qui vont essayer de généraliser. Donc c'est pour ça que je parlais en fait du contrat d'engagement jeune, qui pour moi peut donner une piste de réflexion sur à quoi va ressembler ce contrat d'engagement qui va vraiment toucher tous les usagers et usagères de France Travail. Et ces dernières vont être séparées en deux catégories. Ceux qu'on va dire plus autonomes, plus autonomes, c'est pour citer le texte, et ceux qui vont être considérés comme moins autonomes. Et du coup, il y aura des suivis qui seront différenciés en fonction de ces deux catégories. Moi, j'ai noté un petit peu dans les mots, soit utilisés par Dussopt, soit par Macron, les expressions « droit et devoir ». Pour remettre un petit peu les choses, engagement réciproque, des choses qui effectivement questionnent la place de l'allocation, de la répartition. Alors même que, avant cela, finalement, il faut quand même bien voir, hein, pour les personnes qui n'ont pas été au chômage depuis longtemps, que finalement, il y a quand même des millions de personnes qui cotisent justement pour parer à la précarité zéro revenu qui pourrait constituer une perte d'emploi ou une période sans travail salarié. Et que, moi, je me souviens, par exemple, je suis rentré à Radio Dio en contrat aidé et dès que j'ai signé, j'étais donc suivi par Pôle emploi au 101, que certains et certaines connaissent. Au bout de moins d'un mois, j'ai eu un rendez-vous professionnel avec Pôle emploi ici, qui est venu me voir, etc. Et qui m'a dit « Est-ce que vous avez déjà commencé à chercher du travail à la fin de votre contrat ?» Et il y a quand même quelque chose qui est très présent déjà, c'est qu'entre droit et devoir et engagement réciproque, dès qu'on demande une formation, par exemple à Pôle emploi, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Il y a effectivement une manière de penser l'accompagnement des personnes sans emploi qui est en fait d'aiguiller à coup de pression, en général, j'ai l'impression que j'imagine que vous les subissez sur le premier contrat qui vient, même si c'est pas ça que vous voulez faire dans le quotidien. Vous, ça se joue beaucoup. Est-ce que le contrôle est déjà fort un petit peu et aiguille beaucoup la manière dont vous voulez bosser ? Alors, ça dépend comment on se présente aussi à ce premier entretien quand on s'inscrit à Pôle emploi, dans le sens. Moi, comme j'ai refait un changement dans mes études et que je suis en reconversion, j'ai pu dire à Pôle emploi que je cherchais un boulot d'anthropologue. Et comme il y en a très peu, Pôle emploi ne vient pas forcément me mobiliser beaucoup. Mais par contre, la mission locale, du coup avec qui j'ai ce contrat d'engagement, me relance assez régulièrement pour savoir où j'en suis. Et il m'aiguillait déjà vers des métiers que je ne voulais pas forcément. Et je leur disais, oui, j'aimerais bien avoir un financement, trouver un travail. Mais après plusieurs expériences dans des missions d'intérim, il y a certains travaux que je ne voulais plus faire. Mais la mission locale était un peu dépourvue. Et du coup, elle m'envoyait tout le temps vers ce même type de contrat. Et France Travail va vraiment avoir pour but d'enfoncer un petit peu ça, notamment au niveau de comment vont être financées les formations, dans le sens où il va y avoir une plus grande attention. On va demander aux entreprises et qui vont recruter dans les métiers qui sont appelés les métiers à tension. On va leur dire du coup de venir proposer des formations qui seront financées par France Travail, et les opérateurs de France Travail vont encourager les usagers et usagères de France Travail à suivre ces formations qui se passeront au sein de l'entreprise. Dans un but aussi pour l'entreprise de, une fois la formation faite, récupérer directement cet usager et cette usagère dans l'entreprise où cette personne aura fait cette formation. Et du coup, on peut supposer aussi que ça fasse partie de ses obligations du contrat d'engagement réciproque qu'il va y avoir dans France Travail. Du coup, quelque chose qui est déjà un peu présent, là, à travers France Travail, ça va vraiment s'accentuer, sachant qu'aussi France Travail, dans le réseau France Travail, ils vont y ajouter, on va dire, les associations de quartier, les amicales laïques, les associations sportives, pour assurer un plus grand contrôle des usagers et des usagères, pour voir s'ils sont bien dans le respect de ce contrat d'engagement réciproque. Beaucoup plus de sous-traitantes dans les suivis, donc oui. Finalement. Okay. Et qu'il va y avoir vraiment on va vraiment rentrer dans une logique, ces allocations de soutien et de lutte contre la pauvreté, on va devoir les mériter. Et du coup, on perd, je trouve, cette notion de droit qu'on a, et de cotisation et de notre réseau de solidarité, par en fait on doit le mériter, et que si on rentre pas dans les attentes capitalistes du travail, et ben on a plus le droit à ces minimums vitaux. Et c'est vrai que le texte, assez souvent dans les chapitres là, le peu dont on a fait l'arpentage, il parle des usagers et qu'il faut accompagner les gens à retourner vers le boulot, à une vie active pour leur bien-être individuel et ainsi de suite. Mais en fait, les textes, ils parlent quand même beaucoup plus des liens avec le patronat, que France Travail va mettre en œuvre France Travail Academy pour les agents et agentes, pour qu'ils fassent le dispatch. Mais surtout, c'est aussi une manière de réunifier toutes ces aides aux formations pour que les entreprises soient plus au courant et plus vite, plus rapidement et plus simplement accès à cet argent, à ces subventions, à ces dotations de l'État, pour qu'ils forment, pour qu'ils aient des travailleurs et des travailleuses pas chers à l'intérieur de leur entreprise. Et sur les métiers en tension, la question du travail et de l'émancipation par le travail, qui pouvait être un credo il y a quelque temps, voilà, là il n'y a rien dessus, hein. C'est vraiment le travail pour les entreprises. Les entreprises n'arrivent pas à embaucher à notre époque, et donc il faut les aider à embaucher des travailleurs disponibles, interchangeables et sous-payés, quoi. Et sous-payés, et en plus payés en partie par nos impôts, quoi. Et dans l'objectif, un petit peu, j'imagine, d'une négociation qui va avoir lieu entre le gouvernement, et pour couper un peu l'herbe sous le pied du MEDEF, vous avez lancé quand même deux mots d'ordre qui font un peu du bien à entendre. C'est l'indemnisation de 100% des chômeurs et chômeuses, et la semaine à 32 heures. Vous êtes déjà chaud pour la table de négociation. C'est un peu ça. Vous vous dire, on va demander beaucoup, vu qu'eux, ils nous font ce coup de pression de faire travailler 20 heures gratuitement les personnes au RSA, etc. Qu'est-ce qui va se jouer, c'est une petite blague, hein, mais qu'est-ce qui va se jouer dans les prochains temps, justement, juste sur ce mois de juin, avant le passage de la loi à l'Assemblée. Et comment est-ce que vous voyez justement les prochaines semaines un petit peu autour de cette thématique du côté de votre comité? En tout cas, ils sont en retard déjà sur leur programme d'il y a un mois. Donc, ils devaient passer la loi France Travail en Conseil des ministres avant la fin mai, qui était le deuxième morceau de leur gros package, le travail. Et là, ils passent aujourd'hui le premier morceau de leur loi sur un truc qui est déjà négocié, qui est tout calé. Ils sont déjà en retard entre le. Il y avait un côté, il y a un mois, au moment de la sortie du rapport de France Travail, il y avait un côté coup de bluff quand même aussi, quoi. Où ça va très très vite pour quelque chose qui a l'air quand même très important, de dissolution de Pôle emploi, de création de France Travail, pour qu'il y ait un système informatique nouveau, hyper compliqué, hyper connecté. Une réforme bâclée avec une plateforme qui va pas marcher, grosso modo. Voilà, et que là déjà, le ministre du Travail n'arrête pas de se dédire de ses ambitions d'il y a 2 semaines ou 3 semaines. Ça devrait ne plus être une obligation, le 15-20 heures généralisé pour tout le monde de travailler 15-20 heures pour toucher le RSA. C'était hier. L'obligation générale. Ça va peut-être pas être pour tout le monde. Voilà. Mais ce qui est déjà le cas pour les contrats engagement jeune, ce qui est déjà le cas pour le RSA, on signe des contrats réciproques pour toucher le RSA et à la première faute, on est suspendu, à deuxième, radié. Donc c'est déjà présent et ça devrait continuer à être comme ça et que ça devrait l'être effectivement généralisé là aux demandeurs d'emploi, dit les chômeurs classiques. Après sur cette question de 100% des travailleurs, des chômeurs et chômeuses indemnisés, c'est la CGT précaire et la CGT en général qui revendique ça, mais je crois que le Macron le demande aussi, que les aides sociales soient automatisées. Un tiers des personnes qui auraient le droit au RSA ne le touchent pas. Et il l'a dit plusieurs fois qu'il faudrait que tout le monde le touche automatiquement. Pour les chômeurs, les chômeurs et les chômeuses, c'est différent. Mais effectivement, il y a plein de chômeurs et chômeuses qui n'ont plus le droit qui n'ont plus le droit à l'allocation retour à l'emploi. Et effectivement, nous, on dit que les chômeurs et les chômeuses, on est dans une économie où il y a besoin des chômeurs et des chômeuses. Et c'est pas les chômeurs et chômeuses qui ont créé l'économie. Et donc ils ont à être indemnisés au même titre qu'ils ont à être indemnisés du chômage. Alors rapidement, puisque on arrive déjà à la fin du programme, les prochains rendez-vous, il va y en avoir dans la rue, puisque début juin, on va à nouveau arpenter, cette fois pas des textes de travail, mais bien le pavé. Qu'est-ce que vous avez à annoncer un petit peu? Est-ce que vous avez déjà fixé des petits rendez-vous collectifs de votre côté? Eh ben déjà, on a un premier appel ce vendredi à 16h à Geoffroy Guichard. Et rendez-vous en voiture plutôt, a priori, plutôt en voiture. Et on va continuer de travailler aussi, proposer des... On n'a pas encore fixé de nouvelles dates, mais continuer à travailler sur... sur Caisse France Travail, parce que aussi, pour nous, ce qui joue derrière ça et sur la table des négociations, c'est que à la fois, en fait, on aimerait sortir un peu de cette logique capitaliste de la valeur travail qu'on nous propose actuellement pour proposer des nouvelles formes de travail qui soient plus en adéquation avec nos vies. Et voilà. Donc il y a le 6 juin. Il y a le 6 juin donc pour l'abolition de la réforme des retraites, mais je crois que on peut y aller tous avec notre mot d'ordre contre le gouvernement. Il y a le 26 juin à Paris, il y a le Comité national des travailleurs précaires et privés d'emploi qui organise une manifestation pour parce que je crois que c'est le conseil d'administration de l'UNEDIC. Donc c'est la commission paritaire patronat-employé qui fixe les règles de l'assurance chômage de nos indemnités chômage. Et donc là, il y aura un gros rassemblement à Paris le 26 juin. Voilà. Eh ben merci pour ces rendez-vous. On se retrouvera ici ou là. Je rappelle pour qui est intéressé qu'on peut trouver sur Le numéro 0.info, plus en détail un petit peu, l'espèce de note de synthèse issue de l'arpentage du texte de France Travail, et que vous avez aussi un réseau social qui commence par fait et finit par hook, où on peut aussi entrer en contact avec vous. Je vous cède la parole pour la fin. Il y a la permanence à la Bourse du Travail du Comité des Travailleuses et Travailleurs Privés d'Emploi tous les jeudis de 16h à 19h, donc n'hésitez pas à passer avec vos envies, vos envies et vos questions et vos énervements face à votre être employeur ou pas l'emploi ou quoi que ce soit. Et donc le jeudi de 16h à 19h toutes les semaines. Rendez-vous est pris à la Bourse du Travail en centre-ville. Merci à vous deux d'être venus pour tous ces éclaircissements. Merci beaucoup, merci Radio beaucoup. Audio. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On va finir en musique avec une petite nouveauté que j'ai téléchargée aujourd'hui même. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'aime beaucoup ce groupe. Il vient de Montréal, du rap canadien. À la Claire, Ensemble annonce un nouvel album qui sortira en septembre. Premier single extrait de cet album, il s'appelle Sauvetage. C'est sur les disques du 7e ciel que ça se trouve. Je vous souhaite une excellente suite de programme sur le 895 de Radio Audio. Prenez soin de vous et de vos autres. Ciao. Pose de bouquet sans pas tomber en bas ta chaise, bro. Skirt back dans ton quartier natal après plusieurs printemps. Pop, les douanes sont slack aux nouvelles annonces, la grêle, bro. Certains musicaments font d'affuego, font d'apprise, bro. J'vois plus que facile, ça peut faire flipper une pile de grosse face. Pour qu'un disque les bien enveloppé, plastique, c'est tout ce que de compact. L'éclairage pour le show, pour être les cerises par la fenêtre, bro. Pas ceux qui vont nourrir, celles qui vont jamais en shine, bro. Soleil dans l'après-midi qui file doux comme une sombre. Bien dehors, entouré, proche, à chill autour d'une pinte, bro. Salle de spectacle ou une scène, le crime, les deux, c'est une scène, bro. Plupart des clics, c'est des clics de caméra, le mot vient, bro. J'étais sur la ceinture, j'portais ma ceinture. J'étais avec mon gosse, on a crash la voiture. C'est lui qui a géré ça, J'ai point GPS, 10 stages dans le bois, bro. La chance est de ouf, des fois les anges vont voler bas, bro. Juste un simple mec, des petites affaires à faire plein, bro. Des histoires, ça qui ont des fins, bro. Just walk it, talk it. L'éléphant, aussi grand qu'il y a une pièce dedans. Les enfants vident leur fusil à l'eau. Yeah, c'est de la musique dont vous êtes les héros. Calimero, demandez-y mon numéro. Tu veux tes corps et te diront. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, radio, maîtrise et sortir le meilleur de nos os. Comme dans Sorceau de Tazan, éléphant en rose, éléphant en mauve, things be pop and woe. Show, sort direct du store. Oh, comme un coq, un lot. Tu vas vous contre le flow. Space change le slow. T'es pas des rois, place low. Faut des visions, mais pour atteindre, il faut ce visou. J'suis pas Kobe, pas Zizou. J'ai mentoré, c'est tout. Dans la nature, dans trempé quand on est parti, yo man, I mean it. Rester assis pas la meilleure façon, get les jeans, yeah. On est amis pour la vie, tu peux toujours me reach, yeah. On a 16 ans, by la sauce, ça fait passer au deep sound. J'ai pas fait l'examen, mais c'est moi qui ai toutes les questions. J'écoute pas ta réponse, mais j'suis certain que c'est ben bon. On a des bonnes intentions et plusieurs mauvaises habitudes. Moi le plus humble, personne n'a autant de gratitude. J'ai de nombreux adversaires qui pensent à moi toute la journée. Ou du moins j'aime bien m'imaginer ça quand je pars en tournée. L'entourage fait peur aux gens, donc j'essaie de bien m'entourer. Mademoiselle, je suis comme amusé, tu peux regarder sans me toucher. Y'en a tellement beaucoup de personnes qui vont juste te dire que on s'est pas bien entendu, y'en aura pas de prise. Ils méritent tout que tu t'en.